Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous trouviez que l'alignement des étoiles en ce lundi matin n'était pas propice aux réjouissances, c'était sans compter sur nous, les chemins de la philosophie, et notre extraordinaire capacité de réconfort par le pire. Vos idées sont sombres, orageuses, c'est parfait, vous êtes déjà sur le bon chemin, mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, et regarder en face ce que vous ne voulez pas voir. Le dégoûtant, l'horrible, l'insoutenable et l'immonde. Après tout, ces représentations existent depuis le début de l'histoire de l'art, de la charogne aux zombies. Alors comment expliquer cette fascination pour le pire? Comment expliquer notre envie irrépressible, par exemple quand on passe près d'un accident de voiture, de regarder les corps blessés? Philosophie du gore, c'est parti. Bonjour Richard Stéphane Affessa. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci beaucoup de votre invitation. Vous êtes l'auteur d'une esthétique de la charogne qui est parue en 2018 aux éditions Dehors et vous distinguez d'emblée en revanche la charogne et l'esthétique de la charogne du gore, n'est-ce pas? Oui. Alors je me suis demandé même s'il fallait intégrer un chapitre sur le gore dans le livre et puis je me suis dit que en fait non et j'avais même deux bonnes raisons de ne pas le faire parce que même si le gore et puis les morts vivants présentent un grand intérêt philosophique, sociologique, anthropologique, théologique et même évidemment cinématographique, il m'a semblé que sur le plan esthétique, leur intérêt était moindre parce que le zombie est un motif essentiellement pictural, vous voyez, qui est ici travesti en corps cinématographique dans le cinéma gore, qui présente en tant que tel aucune originalité. Et il n'y a même pas de critique de ma part à dire ça, pour citer un des grands réalisateurs du gore, Clive Barker, que tous les fans connaîtront, puisque c'est lui qui a réalisé... On en parlera mercredi, ouais. Hellraiser, en 1988. Clive Barker disait que pour l'apparence physique de ces zombies, il s'était inspiré des planches anatomiques de Vézal. Donc je crois qu'ils n'ont vraiment pas cherché, les artistes du gore, à innover sur ce plan-là, alors qu'ils l'ont fait sur plein d'autres, évidemment, et qu'ils se sont contentés de reprendre, détourner, réinventer, etc., des motifs assez classiques de d'iconographie anatomique. Tandis que vous, alors vous êtes professeur de philosophie, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « La communauté des êtres de nature », un autre qui s'appelle « La fin du monde et de l'humanité », essai de généalogie du discours écologique, une esthétique de l'environnement, appréciation, connaissance et devoir. Vous étiez venu à ce micro en novembre dernier parler justement du catastrophisme en écologie. Qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser à la charogne et de proposer une esthétique de la charogne? Mais c'est toujours la même chose en fait. C'est vraiment en philosophe de l'environnement que je me suis tourné vers ça. Ce qui m'intéresse dans la perspective écologique, c'est que ça permet de comprendre autrement sans doute le processus de putréfaction. C'est-à-dire que ça permet de comprendre, de modifier sans doute l'idée qu'on se fait du rapport de la vie et de la mort, en comprenant que le corps en putréfaction est une autre partie de la vie. Et que le corps qui se décompose voit ses éléments se recombiner avec d'autres éléments de la nature pour créer de nouvelles structures et de nouvelles formes. Et du coup, on peut penser qu'il y a quelque chose comme un plan de continuité entre la vie et la mort. Et je crois que l'écologie indique le bon niveau d'intégration, si vous voulez, pour comprendre ce qu'est la charogne, qui est celui de l'écosystème. Il faut réussir à comprendre qu'un corps en décomposition rentre dans un écosystème, qu'il s'y modifie, et c'est cette perspective-là qui m'a intéressé sur la charogne. Et vous le dites dès le début de l'ouvrage, il y a une chose, un événement, un documentaire, en fait, qui vous a donné envie d'aller plus loin, pardon, c'est cet extrait. La décomposition. Rien ni personne n'y échappe. Nous ne voulons pas de la pourriture dans notre quotidien. Que se passerait-il si nous la laissions se répandre dans nos foyers? Pour le savoir, nous avons fabriqué cette maison à l'intérieur d'une boîte. Dans la cuisine et le jardin, on trouve toute la nourriture d'une famille qui s'apprêterait à festoyer. À présent, nous allons tout laisser pourrir. Cette expérience va nous aider à comprendre pourquoi la vie dépend de la mort et de la décomposition. Elle sera parfois repoussante. Nous découvrirons également un monde des plus fascinants. Observés au microscope, certains champignons et certaines bactéries sont magnifiques. Nous allons vivre un voyage passionnant, à la découverte de ce qui attend tous les êtres vivants, la décomposition, le recyclage et la renaissance. Afterlife, The Strange Science of Decay, c'est le titre de ce documentaire diffusé sur la BBC en 2011. Et dans l'extrait qu'on entend, on voit déjà le passage de la décomposition à ce qu'on pourrait appeler une forme de régénération, n'est-ce pas ? Oui, et pour faire une petite remarque sur le titre que vous venez de rappeler, la traduction de ce documentaire, puisqu'il a été diffusé ensuite en français, comme on l'a entendu, c'est « L'art de la décomposition ». Alors, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant, cette idée du traducteur. C'est-à-dire que ce qui nous est présenté dans la version anglaise comme étant, comme relevant de la science, et même prudemment qualifié d'une science étrange, « Strange Science of Decay », nous est donné en français comme relevant de l'art. C'est exactement ce passage-là sur lequel j'ai essayé de réfléchir dans l'esthétique de la charogne. Comment la science, ou en tout cas, il faudrait que je donne des précisions peut-être plus tard là-dessus, c'est peut-être pas la science, c'est l'idée d'une continuité entre la vie et la mort, la possibilité de se représenter la nature comme étant une scène de fermentation, etc. Comment cette perspective-là permet de donner à la charogne une forme de représentation esthétique. Parce que la charogne résiste absolument à toute esthétisation. Il y a quelque chose dans la charogne qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une présentation esthétique. Donc charogne, c'est un corps en décomposition ? Alors, justement, merci de me poser cette question-là, parce que le choix du mot charogne est étonnant, et ça ne va pas du tout de soi. J'ai fait ce choix en contravention avec les règles de la langue française. En principe, en français, le mot charogne désigne exclusivement des animaux morts et jamais un corps humain en décomposition. Vous n'avez aucune désignation en français qui fait allusion à la décomposition lorsqu'on parle d'un cadavre humain. Et c'est vrai même dans la langue argotique. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, et bien sûr, sur le mode de nageur, on peut se servir du mot charogne pour qualifier le corps d'un homme mort, mais justement de manière péjorative. Mm-hmm. Et par comparaison avec les bêtes que le terme désigne normalement. Alors, dans le livre, et c'est pour ça que je l'ai intitulé de cette manière-là, il n'y a aucune provocation de ma part, j'ai fait le choix du mot charogne pour désigner tout corps en décomposition, qu'il soit celui d'un être humain ou celui d'un animal, parce que je cherchais à brouiller la frontière entre l'humain et l'animal sur la ligne de leur rapport respectif à la vie et à la mort, en rétablissant une continuité entre l'humain, l'animal et la nature, par et dans le processus de décomposition, qui transforme uniformément en poussière ce qui est né de la poussière. D'où le choix de ce mot-là, charogne. Oui, et vous dites qu'il faut essayer de penser qu'on puisse transformer la mort en substance nourricière. Mais c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. C'est ce que je disais. La perspective écologique sur cette chose-là, lorsqu'on saisit le bon niveau d'intégration, à savoir celui de l'écosystème, c'est ce qu'elle nous révèle, à savoir que la vie est un produit de la décomposition de la vie. Et qu'il y a entre la vie et la mort, entre la matière et l'animé, il y a, comment dire, les deux se situent sur une sorte de ruban de Moebius qui fait glisser comme ça insensiblement de l'un à l'autre. C'est la réalité du processus de décomposition. Mais c'est la science d'une certaine manière qui nous le révèle. Alors, vous intéressez non seulement à la charogne, mais surtout vous proposez une esthétique de la charogne. C'est le titre de ce livre. Un livre magnifique, publié aux éditions Dehors, qui fait près de 600 pages, je crois, et dans lequel on trouve des illustrations absolument immondes, insoutenables, qui sont vraiment en lien avec le sujet, mais qui interpellent parce que, mais c'est le but, j'imagine, c'est de voir comment est-ce qu'un sujet qui peut paraître horrible peut être représenté de manière agréable à la vue, ou comment même avoir l'idée de représenter de manière esthétique quelque chose qui est insoutenable. Et là, vous développez une réflexion qui est très intéressante sur les différents rapports à l'esthétique. Oui. Peindre quelque chose de laid pour le rendre beau, peindre quelque chose de laid pour montrer à quel point il est laid, ou bien essayer de proposer un beau tableau d'une représentation de quelque chose qui est très laid. Oui, alors esthétique de la charogne, l'expression est pratiquement une contradiction dans les termes. Il faut bien voir ce qu'il y a d'étonnant à écrire quelque chose de ce genre-là, parce que en fait, il en va vraiment de deux choses l'une. Soit on est réellement face au spectacle de l'immonde, et la charogne, si vous voulez, c'est l'immonde par excellence. Un corps en décomposition, il n'y a rien de plus abject. On pourrait même dire c'est l'instanciation même de l'abject. Donc soit on est réellement face à un spectacle immonde, et dans ce cas-là, le sentiment éprouvé est de l'ordre du dégoût. Mais le dégoût n'est pas susceptible de donner lieu à une expérience esthétique. Soit on a bel et bien affaire à une expérience esthétique, mais dans ce cas-là, l'affect qui lui correspond ne peut pas être de l'ordre du dégoût. Donc une esthétique de la charogne est une contradiction dans les termes. Et j'ai pourtant essayé de montrer qu'en vérité, il y a une possibilité d'esthétiser, de présenter, d'offrir une représentation esthétique de la charogne. Mais tout l'enjeu du livre, c'est de montrer à quelles conditions une telle chose est possible, puisque de fait, elle l'a été. Il y a une représentation esthétique de la charogne qui a parcouru toute l'histoire de l'art. Alors, l'un des objectifs de mon livre, c'était de faire ça, mais c'était un objectif un peu secondaire. Je voulais documenter, je voulais venir avec des textes à l'appui, si vous voulez, avec des documents pour montrer qu'il y a bel et bien eu une représentation esthétique de la charogne dans l'histoire de l'art. Mais c'est pas tant ça qui m'a intéressé. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelles sont les conditions de possibilité. Voilà, qui a chaque période, un ouvrage philosophique. Oui, qui a rendu possible cette esthétisation de la charogne. Voilà, c'est le cœur vraiment philosophique du livre. C'est pas tant la documentation, même si elle était requise, hein, et les illustrations, qui évidemment, c'est un livre d'histoire de l'art. C'était la réflexion qui était sous-jacente à ça qui m'intéressait. Et alors, vous montrez de manière assez surprenante que en fonction des siècles, le rapport à la laideur et au dégoût était assez différent. Et même, vous allez jusqu'à dire que le XVIIIe siècle était le siècle de la promotion inédite d'un art de la laideur. Oui. Et vous dites qu'au XXe siècle, c'est plus l'immonde. Comment vous distinguez la laideur de l'immonde ? Ben, ça me semble assez facile à faire. La laideur est susceptible d'une conversion esthétique. Ça fait, la laideur, les choses laides, ne sont jamais perdues en art. Il y a toujours une possibilité de rédemption des choses laides en art. Pour peu que l'artiste ait suffisamment de talent pour soumettre les formes à son style, pour peu qu'il sache sublimer, transfigurer les choses laides. Quand on regarde un tableau qui représente des choses laides, on peut trouver du plaisir à cette chose, non pas pour l'objet lui-même qui est représenté, mais pour l'art de l'imitateur. Vous voyez, il y a une possibilité de conversion esthétique du sentiment de répulsion qu'on éprouve, mais c'est pas le cas pour l'immonde. L'immonde, si vous voulez, il bloque absolument tout accès à la représentation esthétique. Il rend impossible toute satisfaction esthétique. Donc l'immonde, c'est quoi ? Enfin, les zombies, justement, vous parlez des zombies, c'est immonde ? Alors, s'ils l'étaient, ils auraient trouvé place dans le livre. Mais je trouve qu'ils n'y ont pas réellement place parce qu'il faut distinguer une esthétique de l'horreur, dont relève, à mon avis, le gore, d'une esthétique de l'immonde. Alors, c'est des distinctions subtiles, mais qui sont, je crois, assez importantes. L'esthétique de l'horreur, pour moi, elle a pour objet paradigmatique des corps suppliciés. Ou ce qui est insoutenable dans cette vision-là, c'est la transformation du corps en une sorte de carcasse, si vous voulez, faite d'humeur, de sang, d'excrétion, etc. C'est-à-dire une charogne future, et pas une charogne actuelle. Vous voyez ? Mais cela dit, il y a quand même des points de jonction très forts entre le gore et puis l'esthétique de la charogne, qui tient, à mon avis, au fluide corporel éjecté par le corps. Qu'est-ce qu'on a dans le gore ? On a des fluides qui sont le sang, les excrétions, le pus, etc. Eh bien, dans l'esthétique de la charogne, on a un corps qui déborde de sanie. Alors là, on est dans l'abject. Vous savez que c'est l'étymologie du corps. C'est en anglais G-O-R, c'est l'ancien anglais gore, ça veut dire l'excrément, le sang coagulé. Hein, pas le sang comme le blood, mais c'est un autre type de sang. Alors, du coup, là, on a réellement une jonction très forte entre les deux. Mais il reste que je crois qu'il faut quand même distinguer, mais c'est toute la difficulté du gore, parce que le gore suscite à la fois un sentiment d'horreur, qui, à mon avis, n'est pas pertinent pour penser l'esthétique de la charogne, et un sentiment de dégoût. Et là, cette fois-ci, il y a une connexion. Bon, on va creuser tout ça avec des exemples à l'appui. On commence par la plus belle, sans doute, esthétisation de la charogne. C'est celle proposée par Charles Baudelaire en 1857. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et une lecture du poème de Charles Baudelaire, Une charogne, lue par le comédien Georges Clès, à l'occasion de cette première émission sur notre philosophie du gore. Cette semaine, aujourd'hui, une esthétique de la charogne, c'est le titre du livre que propose le philosophe Hicham Stéphane Afessa, qui est mon invité aujourd'hui. On peut quand même s'interroger, Hicham Stéphane Afessa, sur le plaisir que nous avons à écouter une description absolument dégueulasse. Ah oui, mais elle est présentée avec un style tellement flamboyant, c'est qu'on ne s'en lasse pas. Je l'ai lu et relu des centaines de fois, à chaque fois c'est tout le même émerveillement. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce poème-là, ça va être difficile de les faire tenir en quelques minutes. C'est un poème vraiment fabuleux, écrit par Baudelaire alors qu'il était tout jeune homme, hein. Je crois qu'il avait 23-24 ans, c'est assez épatant, qui lui a valu immédiatement le surnom de prince des charognes, surnom qu'il détestait d'ailleurs. Et alors, petite anecdote pendant que j'y suis, je vous une parenthèse. Pendant toutes les années où j'ai travaillé sur ce livre-là, à chaque fois que je disais, voilà, je travaille sur une esthétique de la charogne, on me disait, ah, c'est un thème très baudelairien. Et je me dis, c'est quand même fou, il s'est approprié le mot. Il ne l'a pourtant pas inventé, c'est pas un néologisme. Mais c'est ce que disait un des commentateurs de Baudelaire. Il disait, le mot de charogne est devenu sublime depuis que Baudelaire l'a mis dans son encensoir de poète spiritualiste. Et c'est tout à fait ça, vraiment. Il a marqué à tout jamais ce mot-là de son empreinte. Bon, alors, pour revenir à la question que vous me posez, comment est-ce qu'on fait pour trouver que c'est beau? Je crois que... Comment est-ce qu'on fait? Comment expliquez-vous que ça arrive? Qu'une chose paraît possible. Vous interrogez ce plaisir absolument que nous prenons à écouter, regarder de... C'est le cœur vraiment de mon livre, c'est la théorie que j'avance là-dessus. Alors il faut pouvoir replacer le texte dans le contexte un peu plus large du 19e siècle. Alors c'est peut-être pas assez dit, je trouve, mais le 19e siècle français, la littérature française, est le siècle par excellence de la charogne. Théophile Gautier écrivait « Le siècle était à la charogne ». Et effectivement, au 19e siècle, on a vu fleurir une littérature macabre qui est sans équivalent depuis la poésie humaniste et renaissante du 14e, 16e siècle. Tout d'un coup, on s'est mis à écrire des vers sur les corps en décomposition. On s'est mis à disserter, comme ça, à perte de vue sur l'anéantissement dans le tombeau. Mais partout, on a vu triompher une littérature sépulcrale, cadavéreuse, qui partage un même goût pour la beauté un peu minée par la maladie, moribonde, en décomposition. Donc la question qu'il faut se poser quand on constate ça, parce qu'on peut citer tout le 19e siècle pratiquement, la question qui sont posées les 19e, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé en ce siècle-là pour expliquer une telle fascination pour la putréfaction, la charogne, etc. Alors, il y a plein d'hypothèses qui ont été avancées. Il y a des hypothèses de type sociologique. Certains ont fait valoir l'influence très probable, effectivement, du roman gothique anglais de la fin du XVIIIe siècle. Mais l'hypothèse que j'avance, alors, ce chapitre-là qui est consacré à la littérature du XIXe est très important dans l'économie de mon livre. L'hypothèse que j'avance et que je défends, c'est que ça consiste à dire que, en fait, l'influence la plus forte est venue peut-être de la physiologie, c'est-à-dire d'une nouvelle conception de la mort pour laquelle ces dernières cesse d'être l'opposé de la vie. Alors, il faut que je vous explique un petit peu où je veux en venir. Il y a une nouvelle idée qui est apparue, d'abord sous la plume de Buffon, dans ses travaux sur le vieillissement, puis Maupertuis, puis Lamarck, puis ça se finit avec Xavier Bichat, qui présente la mort comme étant un processus graduel. C'est ce que dit joliment Buffon, c'est l'idée que le corps meurt peu à peu, que la vie s'éteint par nuances successives. C'est la mort qui accompagne la totalité du parcours de vie, de sorte que ce qu'on appelle le dernier souffle est toujours précédé, si vous voulez, et comme préparé par une multitude de morts partielles. Eh bien, lorsque cette idée a commencé à être élaborée, il a fallu donc plusieurs décennies pour qu'elle soit élaborée, tout d'un coup est devenue pensable l'idée d'une perméabilité entre la vie et la mort. On en est venu à se dire que si la mort est déjà dans la vie, alors la réciproque est vraie. Et il y a aussi un petit peu de vide à l'intérieur de la mort, sous la forme de ce qui se perpétue par et dans la putréfaction, comprise comme limite terminale, si vous voulez, d'un d'un parcours d'existence individuelle et limite initiale de la régénération de la vie. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a un nouveau domaine phénoménal qui s'ouvre à la description, qui est la putréfaction. Et tout le 19e siècle va exprimer une même fascination pour le pouvoir de régénération de la décomposition. Je vais vous donner quelques citations, par exemple. Théophile Gautier écrit « La mort donne la vie ». Octave Mirbeau lui répond « La vie aime la mort ». Et Flaubert, d'exercer son célèbre coup d'œil chirurgical ou médical pour saisir dans le vivant les signes actuels de sa putréfaction, c'est-à-dire le cadavre que chacun de nous est déjà. Et aussi de décrire avec une complaisance infinie les cadavres fraîchement exhumés pour montrer justement cette vie après la mort. Alors je reviens maintenant à Baudelaire. Ce qui fait de La Charogne un poème absolument emblématique de toute cette période-là, c'est qu'on retrouve chez lui la fascination aussi pour le pouvoir de régénération de la putréfaction. Pour Baudelaire, et c'est ça qui énonce de manière très forte, je trouve, ce poème, c'est que la vie, dit Baudelaire, naît de la mort, dans une sorte de cercle ou de cycle qui rend caduque l'opposition entre la matière et la vie lorsque elle est appliquée, en tout cas à cette matière qui a un corps. Mieux encore, il dit, la charogne est le lieu même de la vie. Et que le mouvement de transformation du cadavre, qui est effectué par les recycleurs, les décomposeurs de la nature, est en tout point analogue au travail de création de l'artiste. C'est ce que dit Baudelaire. Mm-hmm. Et lui aussi, l'artiste, cherche à transformer la boue en or, de sorte que la putréfaction devient le modèle même de la sublimation artistique. Alors, il faut que je réponde peut-être encore plus précisément à votre question. Vous me dites, comment est-il possible qu'on trouve ça beau ? Eh bien, c'est la thèse vraiment centrale que je défends dans ce livre. Je crois que ce qui a rendu possible à toutes les époques la représentation artistique de la charogne, c'est l'idée qu'il existe une continuité entre la vie et la mort. Alors, pour développer cet argument-là, qui est en effet votre thèse, avant de prendre d'autres exemples, on va se promener à travers les siècles de l'histoire de l'art pour voir comment les représentations les plus... Alors, j'ose pas dire immondes, puisque pour vous, c'est le XXe siècle immonde, les plus abjects, les plus laides ont pu donner lieu à non seulement un plaisir pour le spectateur, mais aussi une postérité dans l'histoire de l'art. On va entendre ensemble un texte d'Aristote. Parce qu'en fait, cette question du plaisir que nous prenons à regarder le lait est aussi vieille, sans doute, que l'humanité. Et Aristote est un des premiers philosophes à la formuler dans sa Poétique, au chapitre 4 de la Poétique. Et on trouve ce texte au centre de votre ouvrage. Stéphane Issam a fait ça, ce qui montre bien à quel point il est important pour vous. Et je voudrais qu'on l'entende maintenant parce qu'il formule la question mieux que je pourrais le faire. Ça nous permettra ensuite de mieux comprendre comment on aborde les différentes œuvres que l'on va entendre. Les êtres humains sont, dès leur enfance, naturellement enclins à imiter. Et cela précisément les distingue des autres animaux. L'homme est l'être le plus enclin à imiter et il fait ses premiers apprentissages au moyen de l'imitation. Et tous, ils prennent naturellement plaisir aux imitations ou représentations, comme les œuvres d'art en témoignent. Nous prenons plaisir à contempler les figurations réalisées avec la plus grande exactitude de choses qui, pour elles-mêmes, sont pénibles à voir, comme c'est le cas de l'apparence extérieure d'animaux particulièrement ignobles ou de cadavres. Ici aussi, la raison en est que comprendre procure un très vif plaisir, non seulement aux philosophes, mais aussi, de la même façon, aux autres hommes, même s'ils n'y ont qu'un accès limité. En effet, voir des figurations donne du plaisir pour la raison que, en les contemplant, on comprend par inférence ce qu'en est chaque élément. Par exemple, que ce personnage-ci, c'est un tel. S'il se trouve qu'on ne l'a pas vu auparavant, ce n'est pas en tant que représentation que cet élément donnera du plaisir, mais c'est en raison du fini de son exécution, de ses couleurs ou d'autres choses du même genre. De l'esthétique de la charogne à la poétique d'Aristote sur France Culture, les chemins de la philosophie. Aristote ici nous donne un indice pour comprendre ce plaisir que nous pouvons prendre à la représentation de la laideur. Le premier, c'est celui de la compréhension. Il dit en fait, nous prenons du plaisir à voir quelque chose représenté, car cette représentation nous permet de mieux comprendre ce que nous voyons. Voilà, nous apprenons quelque chose en le voyant. C'est exactement ce que j'essayais de dire dans ce que je disais juste auparavant. Bon, alors c'est un texte qui est très difficile à commenter, hein, que celui de la Poétique. C'est un texte d'une extraordinaire densité, issu qui plus est de l'un des écrits les plus difficiles d'Aristote, ce qui facilite pas du tout la chose. Alors, la thèse que je défends concernant ce texte, effectivement, comme vous le dites, je lui consacre pratiquement 200 pages dans le livre, dans un cahier vraiment central. La thèse que je défends, c'est que on trouve dans ce texte-là la première élaboration théorique dans l'histoire de la philosophie d'une esthétique de la charogne, dont l'ampleur est suffisante pour qu'on puisse considérer que c'est un élément central de la réflexion d'Aristote sur l'art. Et donc, je vais essayer de résumer brièvement l'idée du texte. Aristote dit la chose suivante, et il fait l'hypothèse, si vous voulez, d'une peinture qui représenterait, comme il le dit, des formes d'animaux parfaitement ignobles et de cadavres. Et il dit, si nous trouvons du plaisir à regarder en peinture ce genre de choses, ce genre de représentation, c'est parce que, alors que dans la vie réelle, si vous voulez, c'est une chose qui nous inspire simplement du dégoût, eh bien c'est parce que nous avons appris quelque chose en la regardant que nous n'apprenons pas lorsque nous les observons dans la vie réelle. Alors je trouve qu'il y a deux choses. Alors, donc qu'est-ce que ça prouve cet exemple-là? Je vais te le dire. Donc ça prouve pour Aristote que c'est bien parce que l'art procure une connaissance, l'art délivre une connaissance qu'il est susceptible de procurer du plaisir. C'est ça la thèse qu'il veut défendre avec cet exemple un peu invraisemblable. Moi, ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est que je trouve qu'on n'a peut-être pas assez souligné que l'exemple de la représentation que donne Aristote est l'exemple d'une représentation parfaitement immonde. Parce que sont les formes d'animaux parfaitement ignobles de cadavres, sinon... Oui, c'est le cas. Le cas de l'apparence extérieure d'animaux particulièrement ignobles ou de cadavres. Voilà. Et bien, moi, ce que je comprends dans ce passage-là, c'est qu'il est en train de décrire une charogne. Vous voyez, ce sont des corps en décomposition, hypothèse qui, je trouve, qui a rarement été avancée. Pourtant, je ne vois pas d'autre façon de comprendre ce passage-là. Ça veut dire qu'à l'époque déjà, il y avait des représentations de charognes. Oui, alors c'est ça. C'est une objection que je me suis faite à moi-même. Mais est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce qu'il est possible qu'il ait pu avoir l'idée d'un tableau pareil? Bon, le tableau n'existe pas. Finalement, c'est un exemple qu'il invente. Et si, en fait, oui, ça existait déjà à cette époque-là, ça s'appelle les ripographes. Ce sont ceux qui représentaient ces choses-là, qui n'avaient pas la cote, hein, ils n'étaient pas très aimés. C'est aussi une des choses étonnantes dans ce texte-là, c'est qu'il va chercher un exemple du côté, je voulais, un peu malfamé, quoi, du travail des peintres. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est que Aristote dit deux choses absolument stupéfiantes. Il dit, alors encore de nouveau, une petite parenthèse personnelle sur ce sujet-là, j'ai donné ce texte à commenter à mes élèves pendant 15 ans, les pauvres vieux, vous voyez ce que je leur fais subir. Et pendant 15 ans, j'ai vu absolument la même chose de leur part, c'est-à-dire qu'ils essayent de contourner la difficulté du texte, parce que Aristote dit clairement que le cadavre peint est tout aussi répugnant que le cadavre réel, qu'il y a non pas restriction mais aggravation du caractère horrible du cadavre lorsqu'il fait l'objet d'une représentation en peinture. Et non seulement le cadavre peint n'est pas enjolivé, sublimé, transfiguré, etc. Mais d'une certaine manière, il est encore plus répugnant, si vous voulez, qu'il ne l'est dans la nature. Alors ça, c'est un point qui est tout à fait surprenant. Vous voyez, on n'est pas préparé à lire ce genre de choses. Et la deuxième chose que je trouve étonnante dans le texte, qui le rend franchement énigmatique, c'est qu'il nous dit que quand on regarde le cadavre peint tel qu'il est peint, dans toute l'horreur de sa putréfaction, on a appris quelque chose. Que la nature, si on le voyait à l'œil nu dans la nature, on n'aurait pas appris. Donc la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qu'on apprend devant un tableau pareil? Je vous pose la question. Qu'apprend-on devant un tableau pareil? Donc un tableau qui représente une charogne, ça peut être, on va prendre des exemples, mais la raie de chardin par exemple. Et c'est pas une charogne, vous voyez, c'est un animal éventré, c'est un animal éviscéré, mais il n'est pas en décomposition. Ah bon, mais non, bah. Pas décomposition, c'est laid ça, c'est très laid, à tel point d'ailleurs que cette laideur-là, elle est susceptible, c'est ce que je disais, de conversion esthétique, elle est susceptible d'être rachetée, etc. Alors que l'immonde, il est irrachetable. Alors vous pensez à quel tableau par exemple? De choses qui seraient irrachetables. Alors il y en a qui ne serait pas susceptible d'être sauvé par l'art. Alors, je trouve que l'artiste par excellence de la charogne, c'est ma découverte. D'ailleurs, en écrivant ce livre, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler auparavant. Pour moi, c'est Zumbo. Gaetano Zumbo. Gaetano Giulio Zumbo, qui est un artiste italien de la seconde moitié du 7e siècle, qui est mort très jeune, à 45 ans seulement, abbé sicilien jésuite, qui a réalisé des cires polychromes. Il est l'artiste par excellence des cires colorées. Et on essaiera peut-être de décrire tout à l'heure, je ne sais pas, son travail. Pour moi, c'est le prince des charognes. Non, mais vous pouvez le dire, parce qu'il propose comme des têtes anatomiques, en fait. Alors, les têtes anatomiques, ouais. C'est vraiment pas ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, ce sont ce qu'on a appelé les théatrini. Alors, ça porte plein de noms, les théatrini. Teatrini, les Corruzione en italien, les théâtres de la cruauté. C'est le coup de force de Zumbourg. Alors donc, bon, déjà, ce qu'il a cherché à faire, c'est de représenter des scènes de mort. Donc, il s'agit de cire modelée. C'est tout petit. C'est d'où le mot de Teatrini. Ce sont des petits théâtres. Ça mesure, si vous voulez, un mètre de largeur sur 75 cm de hauteur. C'est tout petit, ces trucs-là. Et ça tient dans des coffrets. Il a voulu représenter des scènes de mort, mais de façon extraordinairement réaliste, en présentant surtout la putréfaction. Et je trouve que personne mieux que lui n'a réussi à le faire, parce que la difficulté qu'il y a à représenter la putréfaction, c'est que la putréfaction est un processus. Et on fait comment pour rendre ça On est obligé de le figer. On est bien obligé de le figer. Alors l'idée, je trouve assez géniale qu'il a eue, c'est qu'il a réussi, par un jeu de formes et des couleurs, à représenter la progression de la putréfaction en donnant à ces modèles de cire une animation qui est celle-là même de la vie des tissus en décomposition. Mieux encore, il a eu l'idée, en mettant côte à côte différents corps saisis à divers degrés de leur décomposition, il a réussi à produire une sorte d'illusion cinématographique de la désintégration d'un seul et même corps. Alors je vous dis, il est le seul à réussir une chose pareille. Pour moi, c'est l'artiste par excellence de la Chang. Donc il faudrait l'avoir en tête pour bien comprendre le texte d'Aristote, par exemple. Alors, je pense qu'Aristote aurait été passionné par cet artiste-là, parce que je crois que c'est ça qu'il essaye de dire. Alors, on revient du coup à Aristote. Donc, la question que je posais, c'est mais qu'est-ce qu'on apprend devant ce tableau-là, ce tableau? Alors, je donnerais cher pour pouvoir le voir. Je serais curieux de voir un truc pareil. Qu'est-ce qu'on apprend devant un tableau que la vie réelle ne nous apprendrait pas? Eh bien, je crois que ce qu'on pourrait apprendre devant un tel tableau, c'est le reflux de la vie, la manière dont la vie s'y prend pour se retirer de chair qu'elle animait, pour ne plus laisser derrière elle qu'une sorte de fragment de matière inerte. Ce que le tableau d'Aristote, tel qu'il imagine, représenterait, c'est le cadavre dans toute son horreur, c'est-à-dire le théâtre comme théâtre, si vous voulez, de l'affrontement entre la vie et la mort, théâtre de l'affrontement entre deux puissances métaphysiques qui s'affrontent ici pour la dernière fois avec la victoire sous nos yeux de la mort. Et plus exactement encore, alors là, Aristote y tiendrait infiniment, ce que ce tableau représenterait, c'est la continuité, on y revient, vous voyez, je ne lâche pas l'idée, la continuité de la vie et de la mort, la continuité de la matière et de la vie, par le biais de cette régénération de la vie à même la pourriture, conformément à la thèse de la génération spontanée. Donc on apprendrait, face à ce tableau dépeint peut-être par Aristote, qu'on peut s'imaginer, que notre mort n'est pas la victoire de la mort en général, mais que notre mort va donner lieu à une régénération cellulaire. Voilà, alors, il faudrait perdre le point de vue sur l'individualité, c'est-à-dire sur la mort d'un corps individuel, encore une fois. Alors évidemment, là, je ne dis pas du tout qu'Aristote est un écologue, etc., qu'il a ce genre d'idée, mais le niveau d'intégration n'est pas le même. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont la vie fonctionne, telle qu'elle nous traverse, nous, évidemment, comme individus, mais la manière dont ça fonctionne dans la nature. Aristote soutient des thèses très fortes, il est très net sur la continuité entre la vie et la matière, et il pense qu'un corps en putréfaction peut donner à voir, peut donner à comprendre, peut donner à confirmer, puis apporter une confirmation à cette idée d'une continuité de la vie et de la mort. Et c'est pour ça, je crois, qu'il s'y intéresse. Oui. Alors, évidemment, on peut réfléchir, c'est ce que fait Aristote, il a écrit des trucs sur la question qui sont importants, on peut s'interroger sur la façon dont la génération et la corruption s'articulent l'une à l'autre, on peut s'interroger sur la façon dont la vie et la mort se rapportent l'une à l'autre au moment de ce moment décisif qui est la putréfaction. On peut essayer de résoudre ce problème sur le plan théorique, mais ce qui manque, c'est le rapport à l'expérience. Et si le rapport à l'expérience manque, c'est parce que le matériau se dérobe parce qu'il est répugnant. Vous voyez, on n'a pas envie de mettre son nez dans des chairs mortes en fermentation. Mais voilà, mais ça c'est présent aussi dans le texte d'Aristote, ou plutôt on a envie de le questionner, parce qu'il parle d'animaux particulièrement ignobles. En fait, il parle de ce passage de l'ignoble au plaisir. Et en fait, c'est une question que Platon pose aussi dans La République, par exemple, où il s'interroge, pourquoi est-ce que, l'exemple que je prenais en tout début d'émission, pourquoi est-ce que quand il y a un accident ou on voit des corps accidentés, pourquoi est-ce qu'on a envie de les regarder? D'où vient cette envie de regarder? Pourquoi, un, trouvons-nous ignoble un corps en décomposition? Et deux, pourquoi trouvons-nous du plaisir ou avons-nous envie, sommes-nous fascinés par cet ignoble que nous voyons devant nous, que ce soit pour de vrai ou sur un tableau? Question difficile. Hein. Il y a plusieurs choses à dire, je crois. Pour le cas d'Aristote, la réponse d'Aristote, elle est très simple, elle est claire dans le texte, c'est parce que nous apprenons quelque chose. C'est répugnant, tout ce que vous voulez, c'est immonde, etc. Oui, mais on a appris quelque chose. Et quand on garde un corps blessé, on apprend quelque chose? Alors, pas dans les rues. Cette fois-ci, on est dans la situation de la réalité, où on voit un cadavre, etc. Là, on n'apprend strictement rien du tout, parce qu'on est horrifié par ce qu'on voit. Mais ce qui peut justifier notre fascination fascination. Dans ce cas-là, je crois qu'il faudrait essayer de réaliser une connexion conceptuelle qui s'effectue d'elle-même, d'ailleurs quand on y pense, entre l'immonde et l'obscène. L'obscène, c'est tout à fait ça. Vous voyez, nous avons un rapport ambigu à l'obscène. L'obscène, c'est ce qui se donne à voir dans toute ce qui se montre dans sa réalité la plus crue et qui nous fascine justement en raison de cette crudité même. Il y a un lien très net, je trouve, entre l'obscène et l'immonde. Il y a une sorte, comment dire, de viscosité de l'obscène et de l'immonde. Quelque chose qui s'accroche à nous, alors même qu'on n'en veut pas, d'une certaine manière. Quelque chose qui empoisse. Alors, c'est sans doute cette pulsion-là, vous voyez, cette pulsion très ambiguë que nous avons face à un corps éventré, à un corps supplicié, etc. Oui. Mais on apprend sans doute quelque chose aussi, puisque par exemple, je pense qu'un médecin ou quelqu'un qui serait familier de l'anatomie du corps humain et des corps accidentés serait moins fasciné que quelqu'un qui n'en a jamais vu. On apprend aussi de quoi le corps est composé et les formes qu'il peut prendre. Oui, alors je crois qu'Aristote essaye de dire quelque chose de ce genre-là, mais il faut pas perdre de vue que l'œuvre à laquelle il fait référence, quand il parle des formes d'animaux parfaitement, c'est bien une œuvre d'art, c'est pas une planche anatomique. Vous voyez, certains ont dit ça pour interpréter ce texte d'Aristote. Ils disent, ah oui, en fait, quand ils parlent du tableau, ce sont les anatomailles. Alors, les anatomailles, c'était des planches anatomiques qu'il y avait dans la classe d'Aristote. Visiblement, ils s'en servaient pour faire ses cours. Je ne crois pas du tout. Non, c'est une œuvre d'art. Et donc, ça ne prend pas place parmi les anatomailles de sa... D'ailleurs, c'est quand même issu d'un traité poétique, vous voyez. Donc, il s'agit bien d'une œuvre d'art. Il faut réussir à comprendre en quoi un tableau, qui est bel et bien un tableau et qui nous présente ces choses atroces, est néanmoins une œuvre d'art. En quoi est-ce qu'on peut dire qu'elle est belle? Alors, j'ai encore une réponse sur la question. Vous voulez que je vous la donne? Je crois que lorsque Aristote... Alors, c'est une des choses étonnantes dans le texte. Relisez-le attentivement et patiemment et vous verrez que le mot de beauté, et je trouve que c'est pas la moindre surprise qui nous réserve, le mot de beauté n'est jamais prononcé. Pas une fois. C'est très étonnant, pourtant il est question d'art. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de l'art, en 2 secondes et demie, le mot beauté arrive derrière. Eh bien, pas lui. Il ne prononce pas le mot beauté parce que je crois qu'il essaye de nous obliger à distinguer, si vous voulez, entre ce qu'on pourrait appeler les propriétés aspectuelles d'une œuvre, c'est-à-dire son apparence sensible, qui, elle, flatte les sens, qui, elle, procure une satisfaction esthétique, et puis la signification d'une œuvre, qui lui donne une certaine valeur dans une démarche de connaissance. Eh bien, pour Aristote, si on entend par beauté une œuvre qui flatte les sens, alors, effectivement, ça n'a rien de beau et c'est pas fait pour. L'art, si vous voulez, c'est affaire d'exactitude, c'est affaire de vérité, c'est certainement pas, ça n'a pas pour objectif de flatter les goûts. Mais, si on considère ce que je fais, je crois que c'est ce qu'Aristote essaie de nous donner à comprendre, qu'en fait, on ne peut pas distinguer une œuvre d'art de la beauté, parce que c'est deux fois la même idée. Mais à quoi peut bien correspondre l'idée d'œuvre d'art précisément déterminée, si ce n'est, si vous voulez, à celle de la beauté? Donc une œuvre d'art est forcément belle parce qu'elle est représentation. C'est la représentation qui est belle. C'est deux fois la même idée, je crois. Je crois que l'intelligibilité d'une idée exige qu'on se donne à penser une autre. C'est un problème d'intellection, vous voyez. Et en ce sens-là, il n'est pas possible de les dissocier. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis assez dubitatif lorsque j'entends dire que le XXe siècle a été le siècle de la mort de l'idée de beauté. Je ne crois pas du tout. Je crois que le XXe siècle a été le théâtre ou la scène où se sera jouée une tentative de décomposition analytique de l'expérience esthétique, où on a essayé de montrer que entre dans cette expérience du beau des composantes dont on n'avait même plus l'idée. Par exemple, et je crois qu'on peut vraiment interpréter une bonne partie de l'art contemporain avec ce genre d'idée, par exemple, l'étonnement, la surprise, ou plus exactement, l'émerveillement. Vous voyez, l'émerveillement, c'est non seulement l'admiration qu'on a pour une œuvre d'art, mais c'est un peu cet étonnement marqué au coin d'incrédulité de voir une chose telle qu'elle est. Je crois que les artistes contemporains ont cherché à produire ce genre d'étonnement, d'admiration un peu enfantine, vous voyez. Comme un enfant qui découvre, qui apprend quelque chose, il y a sur son visage que Lacan appelait joliment une mimique illuminative. Vous voyez, tout d'un coup, les yeux se dilatent. Il a compris quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Je crois que l'art essaye de produire ce genre de choses. Eh bien, Aristote isole de son côté une autre composante dont il estime qu'elle est absolument essentielle et constitutive de l'expérience esthétique, qui est le plaisir, qui est l'étonnement, si vous voulez, lié au fait d'apprendre ce qu'est chaque chose. Eh bien, il est tout à fait possible de dire pour ce genre de choses que ce que nous découvrons est beau. Par exemple, un grand livre de philosophie, on peut bien dire qu'il est magnifique en ce sens où il jette une clarté inédite sur le monde qui ne le donne à voir. Oui, comme à condition d'avoir une définition intellectuelle de la beauté. Et c'est ce qu'il fait. C'est une alors tout ce qui est de la nourriture pour l'esprit est beau. Mais oui, absolument. Mais c'est ce que nous faisons, je crois. On n'hésitera pas à utiliser le mot de beauté pour dire ce genre de choses. Oui, mais quand on dit qu'un visage est beau, c'est pas forcément parce qu'il suscite une idée. C'est parce que les traits sont harmonieux. L'expérience du beau comporte toutes sortes de composantes. Eh bien, l'étonnement lié au fait d'apprendre quelque chose, voyez, et de s'en émerveiller, ben, ça fait partie de cette expérience aussi. Prenons un autre exemple. Sur un fond de ténèbres se dresse la croix. Les bras du Christ sont tendus à l'extrême. La tête couronnée d'épines est penchée. Les lèvres bleuies témoignent de la mort par asphyxie. Le buste porte la plaie au côté droit et les marques de la flagellation à coups de buissons épineux. Grunewald reprend ici l'analogie entre le bois et la chair, comme il l'a fait avec la croix et le corps du Christ. Un champignon est présent sur les souches. Lorsqu'il apparaît en surface, sa prolifération interne a déjà pourri le cœur de l'arbre. De même, l'apparition sur la peau des chancres ou des nécroses traduit la pourriture interne du malade. La décomposition de la mort atteignait des corps encore vivants comme une affreuse punition divine. À propos du retable et de ses dispositifs symboliques dictés par les Antonins à Grunewald, on a évoqué une théologie de la chair. Cette douce voix qui vous parle de décomposition et d'asphyxie, eh bien, c'est celle d'Alain Jaubert, le présentateur de Palette. C'était un documentaire diffusé sur Arte en 2007. Le retable d'Issenheim, vous en parlez, hein, Stéphane Hicham a fait ça dans votre livre. Ce corps, alors on a entendu un peu la description, hein, le corps, alors est-ce de la putréfaction? Est-ce qu'on est ici dans l'abject ou comment vous qualifiez? Le corps est putréfié, hein, c'est pour ça que c'est une représentation vraiment hallucinante du Christ. Je me demande même si d'un point de vue strictement théologique, c'est tolérable, une représentation pareille. Donc il est exposé au musée Unterlinden de Colmar, si les auditeurs n'ont pas à voir, il faut absolument se précipiter, oui, il est extraordinaire. Si, le corps est bel et bien putréfié, et un commentateur, d'ailleurs j'ai noté la phrase, je la cite dans le livre, dit que il s'agit donc ce polyptyque là d'un traité pictural des phosphorescences de la décomposition. C'est tout à fait ça. Le corps est complètement décomposé. Mais on est au début du XVIe siècle, hein, je précise. Oui, c'est tout à fait étonnant à cette époque-là. On est antérieur à Zumbo. Hein. Mais ce qui m'intéresse quand même dans ce tableau-là, c'est que d'une certaine manière, je crois qu'il ne relève pas quand même tout à fait, même si je le cite évidemment, il avait sa place, de l'esthétique de la chambre. Je crois que c'est quand même beaucoup plus de la laideur. Pour la raison suivante, je crois qu'il peut y avoir une esthétisation de la laideur, c'est-à-dire une prise en compte de la laideur, qui ne vise absolument pas à la transformer, qui la livre comme laideur. Les artistes italiens de la Renaissance, et il me semble que voilà, c'était la démarche de Matthias Grunewald, l'auteur de ce tableau. Les artistes italiens de la Renaissance tenaient pour nécessaire et légitime la représentation de la laideur artistique dans le cadre de la peinture sacrée lorsque il s'agit de représenter les vices, la passion du Christ, le martyr des saints, etc., de sorte que les représentations soient conformes aux Saintes Écritures, et de sorte aussi à frapper vivement l'imagination des fidèles et à les édifier de manière assez efficace. Je crois que c'est le but qu'a poursuivi Matthias Grunewald. Donc, il ne s'agit pas pour moi vraiment de produire, de spéculer, si vous voulez, comme je le disais, sur la continuité de la vie, de la mort, etc. Non, il s'agit vraiment de produire une laideur artistique de la façon la plus conforme possible aux représentations de la Sainte Écriture, des Saintes Écritures. Oui, c'est ça. C'est que bien souvent, les représentations artistiques sont prises dans des intentions qui les dépassent, qu'elles soient religieuses. Mais même chez Baudelaire, il y a une intention métaphorique également. C'est rarement d'écrire juste pour décrire, c'est aussi pour dire quelque chose. Métaphorique, et encore une fois, je reviens sur mon obsession, je crois que c'est porté par quelque chose comme une sorte de discours scientifique. Pour moi, encore une fois, c'est l'originalité de l'esthétique de la charogne. Alors, j'aurais du mal à expliquer ça, mais mon essai se rattache à un courant d'esthétique contemporaine qui s'appelle l'esthétique environnementale, que j'ai cherché à introduire en France il y a quelques années. Et l'originalité de ce courant-là, en tout cas, dans la la version qui m'intéresse le plus, qui est la version cognitive, consiste à dire qu'il ne faut pas distinguer. C'est une erreur de distinguer entre connaissance scientifique et expérience esthétique. Mmh. On a toujours tendance à penser que pour passer de la connaissance à une expérience esthétique, eh ben, il faut sortir du strict cadre cognitif pour éprouver quelque chose comme une émotion. Eh bien, les théoriciens d'esthétique ornementale ont montré qu'en vérité, c'est sans doute une erreur de voir les choses comme ça. Et que le regard scientifique et le regard, esthétique, n'ont jamais cessé dans l'histoire de se croiser, de s'éclairer l'un à l'autre. Pour prendre un exemple, la revalorisation des paysages, d'un certain nombre de paysages naturels jugés inesthétiques, est venue de la science. Les paysages des marais, par exemple, ont été revalorisés à la fin du 19e, début 20e, grâce à l'écologie. C'est ce discours qui, tout d'un coup, nous a décilé et nous a donné la possibilité de les voir. Et on pourrait prendre d'autres exemples, les paysages de montagne, etc. Eh bien, ce que je dis, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé avec la charogne, et c'est ce qui se passe à chaque fois que la charogne donne lieu à une représentation esthétique. C'est la science qui est là, ou là, si le mot science vous gêne un petit peu, si vous voulez, encore une fois, c'est juste l'idée qui peut revêtir différentes formes, hein, qui peut revêtir la forme d'une connaissance scientifique, mais aussi d'une intuition poétique, d'une croyance païenne, comme c'était le cas, à mon avis, dans l'art macabre, l'idée d'une continuité, l'idée que la nature est une scène de fermentation. Lorsqu'on arrive à voir la nature de cette manière-là, alors la charogne peut faire l'objet d'une représentation esthétique. Un tableau dont vous n'avez pas parlé dans votre livre, Stéphane Necham a fait ça, et qui pourtant compte pour vous, il nous reste très peu de temps, mais je vous propose qu'on l'évoque quand même, c'est le tableau Ophélie de John Everett Millais, qui date du 19e siècle. Alors la toile représente Ophélie, c'est une jeune femme de la noblesse danoise qui est promise au prince Hamlet. On connaît souvent Ophélie par l'histoire de Shakespeare, et dans le tableau ici représenté, Ophélie donc est noyée et son corps semble flotter à la surface, elle a les mains qui sortent de l'eau et un visage qui lui est... Alors on voit qu'il est sans doute en train de mourir, il y a peut-être un processus ici qui est saisi. Pourquoi est-ce que ce tableau rentre dans votre esthétique de la charogne? Parce que c'est pas une charogne que je vois là. Eh ben il aurait dû. C'est un regret terrible. Je l'ai découvert, je le connais depuis toujours. Je l'ai vu des centaines de fois. D'ailleurs, tout le monde l'a vu. C'est un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. C'est, en tout cas, c'est le tableau le plus célèbre de la période victorienne. Il est donc réalisé par John Everett Millais en 1851. Il est intitulé Ophélie. Il aurait dû rentrer, mais parce que je suis passé devant pendant des années sans le comprendre. Je viens tout juste de le comprendre. Et on a je crois que c'est mon livre qui me l'a donné à comprendre. Donc, vous l'avez très bien décrit. Effectivement, c'est une jeune femme qui est somptueusement vêtue d'une robe d'apparat, qui est allongée comme ça de tout son long, de gauche à droite, dans le lit d'une rivière qui traverse une nature luxuriante. Et lorsqu'on observe attentivement le visage, parce que donc, la lumière vient de la droite dans le tableau et elle se concentre comme ça sur le corps et le visage. Lorsqu'on observe attentivement le visage d'Ophélie, qui lui est légèrement hors de l'eau, on voit que les signes de sa mort, si vous voulez, sont indubitables. La mâchoire inférieure est légèrement relâché. Les yeux mi-clos, le regard vide, vous voyez, comme vous l'avez sous les yeux, le regard est complètement vide, le teint est livide. Donc en fait, elle est morte, elle s'est noyée. La Belle au bois dormant s'est noyée. Mais si vous regardez bien, alors là, si les auditeurs ont la représentation sous les yeux, il faudrait qu'ils s'amusent à faire ce jeu. Cacher la partie qui est à droite, on peut diviser le tableau en deux parties. Cacher la partie qui est à gauche et regarder la partie qui est à droite ou inversement. Ouais. Et là, vous allez voir un contraste qui est tout à fait étonnant. La partie qui est située à gauche, et donc là, on voit le personnage féminin, les traits du visage sont parfaitement dessinés, on peut même voir la couleur de ses yeux, apparemment c'est marron, on peut voir la dentelle florale de sa robe, etc. Tout ça est parfaitement dessiné. Et maintenant, regardez la partie qui est située à droite, en cachant la partie à gauche, on a l'impression que c'est une peinture de paysage. Oui, alors que c'est sa robe en fait qui flotte. C'est la robe, mais regardez bien la couleur de la robe, alors vous l'avez en noir et blanc, du coup c'est pas évident, mais la couleur de la robe a changé. Au-dessus, elle est de couleur ocre, en bas, elle est de couleur terre. Et on a l'impression que ce qu'il est en train de peindre, c'est une peinture de paysage, c'est-à-dire une sorte de magma de matière informe. En fait, ce qu'il veut représenter Millais, mais vraiment, je viens de le comprendre d'une certaine manière, c'est qu'il essaye de présenter le processus de décomposition du corps. Mais il a eu l'idée, et c'est pour ça que je ne l'ai pas vu, de jeter le voile pudiquement, vous voyez, de la robe d'Ophélie sur toute la partie inférieure du corps. Qu'est-ce qui prouve que le corps est en décomposition? Eh bien, essayez de chercher à voir, par transparence, les membres du corps. Vous verrez que la chose est impossible. Et plus intéressant, on s'aperçoit que apparaît sur la robe tout un lacis de fleurs, de graminées, de couleurs neutres, de lentilles d'eau. En vérité, comme dit Georges Bataille, le processus de l'informe est en marche. Le corps d'Ophélie est en train d'être recyclé. Vous voyez, on a une belle distinction. Alors, je ne parle pas comme ça dans le livre, c'est un vocabulaire qui pourrait être utile pour comprendre ce que j'essaye de dire. On a une belle distinction, si vous voulez, entre le corps individualisé de ophélie qui est situé donc à gauche, et puis ce qu'on pourrait appeler un corps topologique, c'est-à-dire un corps qui est devenu un site, un lieu, un habitat colonisé par les décomposeurs, par les recycleurs qui sont en train de transformer le corps d'ophélie en une nécromasse. Voilà, je crois que Millet a cherché à représenter ce qu'on appelle aujourd'hui la mort moléculaire, c'est-à-dire la dissolution progressive du corps, c'est une des étapes de la putréfaction, avec cette apparition d'une pourriture qui rend les chairs mortes à la fermentation générale de la vie. C'est l'objet, alors vraiment, techniquement c'est extraordinaire parce qu'on ne le voit pas. Il faut vraiment y penser pour tout d'un coup. C'est-à-dire que le tableau aussi fonctionne presque comme un cercueil. Oui, c'est un cercueil parce que si, alors j'ai oublié de faire cette remarque-là. En fait, le tableau est oblong. C'est assez étrange. On a l'impression qu'elle est dans un cercueil de nature et d'eau. Et il y a même d'autres remarques qu'on pourrait faire. Il a modifié les règles habituelles de la représentation. Parce que d'habitude, la règle de la représentation vaut que le personnage soit situé en haut de la pyramide visuelle ou en tout cas au milieu. Et bien là, regardez, il l'a situé tout en bas. Mmh. De sorte que le regard peut tout à fait explorer la nature luxuriante environnante. C'est-à-dire qu'elle est déjà absorbée par la nature. Elle est déjà en train de disparaître. Merci beaucoup Stéphanie Chamafessa d'être venue nous parler de votre esthétique de la Charonne ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je renvoie les auditeurs au tableau dont nous avons parlé. On en mettra quelques illustrations en ligne et puis on peut les trouver facilement soit alors sur internet, vous les trouverez toutes. On a parlé très rapidement de l'arrêt de Chardin, mais ça vous en parlez dans votre livre. L'Ophélia donc de Millet dont vous venez de parler, le retable d'Isenheim. On peut surtout se référer à votre livre, publié aux éditions Dehors, un livre passionnant, très fourni, très érudit, très instruit, avec beaucoup d'images aussi, dont on pourra peut-être se délecter maintenant qu'Aristote nous a compris pourquoi c'était le cas. Merci, on se quitte avec une chanson de quelqu'un qui est mort, et désormais dans les deux sens du terme, je suis mort, qui dit mieux, c'est Jacques Higelin. Je suis mort, qui dit mieux? Bah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, cela m'est aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette aux chiens. Cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur au morose. Jamais plus personne ne vient m'emmerder quand je me repose à faire l'amour avec la terre. J'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid au creux de mes dents. Faire la nature, arrêtez-moi si je déconne, arrêtez-moi ou passez me voir. Sans violette, sans pleurs, ni couronne, venez perdre un moment cafard. Je vous ferai visiter des cousins morts à la guerre ou morts de rien. Esprit qui vous cligne de l'œil, les bras tendus hors du cercueil. Le plaisir d'écouter Jacques Higelin, quelle que soit la chanson, quel que soit le moment. Il est 10h52, bientôt 53 sur France Culture. Vous écoutez Les Chemins de la Philosophie. Et il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme on parle du gore cette semaine et de la charogne ce matin, vous avez décidé d'alléger les choses et vous nous proposez une philosophie de la pornographie, des pornographes même. Ouais, philosophie des pornographes, c'est le titre du livre de Colas Duflot qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors par philosophie des pornographes, il ne faut pas entendre justement une philosophie de la pornographie comme l'industrie du film porno ou des réflexions proposées par les auteurs eux-mêmes de contenu explicite. Non, il s'agit d'une étude très sérieuse de textes parus au siècle des Lumières, des œuvres clandestine qui se passait massivement sous le manteau et qui avait la particularité de mêler débats philosophiques et ébats érotiques. Ces œuvres, elles s'appelaient entre autres Don Bougre, la religieuse en chemise, Margot, la ravaudeuse, Le rideau levé ou encore Thérèse philosophe. Vous voulez, monsieur, que j'écrive mon histoire? Vous demandez que je vous rende compte des scènes mystiques de mademoiselle Iradis avec le très révérend père d'Irag? Que je vous informe des aventures de madame C avec monsieur l'abbé T? Vous demandez des détails qui exigent de l'ordre dans les matières. Vous demandez cela d'une fille qui n'a jamais écrit? Oui, mademoiselle Thérèse, je vous le demande. Je désire un tableau des scènes dont vous m'avez entretenu, de celles dont nous avons été acteurs. Je désire que ces scènes ne perdent rien de leur lascivité, que les raisonnements métaphysiques conservent toute leur énergie. Thérèse, philosophe, est un roman paru en 1748. Il raconte l'éducation morale d'une jeune fille en même temps que son initiation sexuelle. Son enfer, le modèle du roman libertin à ambition philosophique, c'est le terme pour désigner ce genre d'écrit, il révèle bien à quoi celui-ci ressemble, ce que Colas Duflot résume en quelques lignes en ouverture de son livre. Dissimulée dans les buissons ou cachée derrière un paravent, une jeune personne épie un couple plus expérimenté. Elle voit distinctement les diverses étapes du rapport sexuel qu'elle nous rapporte avec précision. Et ce spectacle produit sur elle des effets sensibles qu'elle nous invite à partager par son récit. Mais voici que le couple libertin, ayant satisfait ses premières ardeurs, se met à discuter. Les deux amants s'interrogent sur le bien et le mal, sur le caractère légitime des plaisirs, sur la morale, sur la nature ou encore la volonté divine. Voilà pour les caractéristiques de ces écrits érotico-philosophiques, écrits que l'on n'a plus du tout l'habitude de lire, qui ne ressemblent en rien à ce que l'on connaît ni de la pornographie ni de la philosophie, loin de là. Et pourtant, ce genre très en vogue au XVIIIe siècle nous dit quelque chose, alors moins de la pornographie que de la philosophie, de sa place, de son écriture et de la réception que l'on peut s'en faire. Comment lire la philosophie? Comment en écrire? Pourquoi la cantonner à des raisonnements abstraits, peut-être parfois, souvent, serait-elle prude, comment allier philosophie et jouissance et faire de la première l'occasion de la seconde? Grâce à l'anneau du génie Cucufa, rien n'est plus facile que de vous définir toute tant que vous êtes. La femme sage, par exemple, serait celle dont le bijou est muet ou n'en est pas écouté. La prude, celle qui fait semblant de ne pas écouter son bijou. La voluptueuse, celle à qui le bijou demande beaucoup et qui lui accorde trop. Eh bien, que pensez-vous de mes définitions, délices de mon âme? Les bijoux indiscrets est le premier roman de Diderot. Il a été publié anonymement en 1748 aussi, et il tente de faire d'une expérience de plaisir le lieu d'une réflexion. Parce qu'il détient une bague magique, le sultan Mangogul a le pouvoir de faire parler les femmes, de libérer leurs paroles et leurs voix sexuelles. C'est une première particularité et réponse à cette question de l'alliance féconde entre érotisme et philosophie. Quand elle part de situations concrètes, quand elle se met en scène à travers des expérimentations, quand elle apparaît au cœur de récits, la réflexion en sort enrichie, augmentée, moins didactique et plus sensible, plus à la portée de toutes et tous. Et c'est ainsi, par exemple, que se questionner à propos du bien et du mal ou de la morale prend un autre sens quand on les met à l'épreuve du plaisir, des corps et des sens. Pourquoi le désir, par essence indifférencié, s'accorderait-il à des principes? Pourquoi contraindre la nature de ses penchants au nom du mal? Pourquoi chacun et chacune ne se ferait-il pas philosophe à partir de ses propres expériences? Maman, dites-moi ce qu'on sent quand on aime, est-ce plaisir, est-ce tourment? Je suis tout le jour dans une peine extrême, et la nuit je ne sais comment. Quel mal peut nous causer un amant? Si quelqu'un près de nous soupire, que faut-il lui dire? Elles s'appellent Thérèse, Margot, Juliette, Justine. Elles sont nonnes, pucelles, putains, filles ou comtesses. C'est une deuxième particularité du roman libertin à ambition philosophique. Il emprunte souvent la voix de femmes. Et c'est une deuxième réponse à ces questions d'articulation entre plaisir et philosophie. Comment donc embrasser la philosophie? Frivolité et légèreté ont-elles la même valeur ou la même force de persuasion que des essais sérieusement philosophiques? Comment faire du plaisir? Un questionnement. Et inversement, comment faire de la philosophie en prenant du plaisir? Eh bien, tout simplement par la force de l'incarnation, du récit d'apprentissage au singulier et de l'écriture à la première personne, de celle qui se dévoile et se met à nu. Car la philosophie, pour être comprise, se doit d'être un petit peu pornographique. À méditer en tout cas, et c'est une invitation à lire le livre de Colas Duflot, Philosophie des pornographes, qui est paru aux éditions du Seuil. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Morgane Danan qui est à la prise de son aujourd'hui, Yvan Moran à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre philosophie du gore. Demain, nous serons en compagnie de Philippe Rouillet. On vous parlera d'esthétique, cette fois-ci non pas de la charogne, mais du sang, le sang à l'écran. L'esthétique du sang, c'est le titre de son livre sur le cinéma gore. D'ici là, pour écouter cette émission sur l'esthétique de la charogne, précisément avec Hicham Stéphane Afessa, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, alors que vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux. L'équipe des chemins de la philosophie se fera un plaisir de vous répondre sur Twitter, Facebook ou Instagram. On se retrouve demain à 10h, donc 10h précise. Nous, on sera là, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.